Et sa nouveauté, ce qui vient de sortir, sortira à partir de là maintenant, May, c'est lui. On disait aussi Rodrigo Lyon, il ne fait que de belles choses. C'est un très grand aussi. Et ce musicien portugais, Rodrigo Lyon, va sortir. Mais alors, c'est pas dans l'immédiat. Ce sera le 21 février, mais je sais que vous attendez tous cela avec impatience, son prochain disque intitulé La Méthode. La Méthode, c'est édité au niveau international, édité internationalement, c'est BMG. On attend la présentation de son disque, ce disque qui sera présenté à Belém, le 27 février. Il y aura d'autres dates. Rodrigo Lyon, c'est un musicien-compositeur portugais qui a une grande carrière. Je crois qu'il a fait partie de ce groupe que vous connaissez tous, bien sûr, Madre Deus, pendant une dizaine d'années. Voilà, c'était Rodrigo Lyon. Quant à moi, je vais d'ores et déjà vous souhaiter un très très bon week-end. Mavrika, l'émission avec des musiciens en direct, ils sont là, ils jouent, ils essayent leurs instruments. Albino qui animera cette émission, ils sont déjà là pour débuter ce week-end sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel 96.2. Restez à l'écoute. Du chic work. Je disais, voilà, hein, c'est le week-end, nous sommes vendredi soir, on dit déjà le week-end pour certains en tout cas, parce que je sais aussi que parfois vous me dites oui, mais moi je travaille, hein, je travaille le vendredi, je travaille le samedi, je travaille le dimanche, et par contre le week-end c'est pendant la semaine. Hein. Alors à vous tous, surtout n'oubliez pas de vous amuser, écoutez beaucoup de musique, ça fait énormément de bien. Nous nous retrouverons pour de nouvelles tendances vendredi prochain, ce sera à partir de 19h jusqu'à 20h30. Jusque là, n'oubliez pas, soyez heureux. Oh, Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Monter le son des basses. reflet d'une intelligence surhumaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Here comes the music. We're online. Thank you. forget from them. I've got memories and travel a deep in the night. I've been home a week for someone to tear it down. Then packing up in bed seals and for the next time. Travel a dizzy in the night. A thousand times I'm in his room. Thousand times. Got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, but my home was never on the ground. No roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Still boy, that just a wish to play. Ask me where I come from, I say a different way. Travel a gypsy in the night. I can't get the numbers and play the kid's name. He just buys that changes the words he steals and say. Travel a gypsy in the night. Was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. No roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. But my home was never on the ground. No roots. I've got no roots. I like the home. Hiding things I them. When I grow old, I won't forget find them. I like digging holes. Hiding things I them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est Albino sur Radio Arc-en-Ciel, donc 96.2 MHz sur la région rhénane, et vous pouvez aussi nous écouter sur radio-arc-en-ciel.fr dans tout le reste du monde, voilà, tout simplement, et même au-delà. J'ai entendu dire que dans d'autres galaxies, on arrivait à nous capter, bon, avec un peu de retard forcément. Donc aujourd'hui, c'est une émission qui commence à 20h30 hein, jusqu'à 23h, c'est l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'est édition numéro 433, et comme tous les vendredis soirs, nous recevons ici en direct des artistes qui vont interpréter des morceaux en live. Alors depuis le début de l'année, on a déjà reçu pas mal de gens, on va revenir jusqu'au mois de septembre. On a reçu Cardioid, on a reçu les Westerlins, les Eleanor, on a reçu aussi Scarlet Black qu'on a écouté tout à l'heure, Kazuzu, les Burning Head, Odeon, Hype Me, Léo, Zbla, Tia, les Orphan Black la semaine dernière. On va recevoir, parce que maintenant on va passer déjà pour la date de la semaine prochaine, les Mockingbird et le groupe La Jarry. Alors pour le mois de janvier, bah, il y a déjà pas mal de groupes qui sont classés, d'ailleurs c'est complètement plein. Il y aura le groupe Duke, Mieux Seul, les Vilaines Choses, Antoine Ménager, Soul Latitude, les Main Circle qui viendront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y aura aussi Ditsy, IFP, Infernal Flash Pep, les Cosmopolites et Perfispot. Il y en a d'autres, mais bon, j'ai pas les trucs en date, mais en tout cas, si vous voulez venir dans l'émission, bah, il suffit de nous contacter sur le Facebook, c'est peut-être la manière la plus simple. Et puis, donc, il faut avoir un projet, il faut quand même avoir un groupe. Et on vous accueillera avec beaucoup de plaisir et on vous calera donc dans l'agenda de l'année 2020. Depuis le début de l'émission, on a écouté quelques groupes. On a écouté Le Soupule avec Un Ange Passe. On a écouté No Blush. On en a parlé un petit peu. Et à l'époque, c'était No Blush, mais ça a été repris aussi par Scarlet Black. C'est le morceau qui s'appelle Get Down. On a écouté aussi Movement of Return avec un morceau qui s'appelle Thunders. Et à l'instant, c'était un morceau enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe Missing. Et c'était un morceau qui s'appelle Roots. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et ce soir, pour cette édition numéro 433, nous recevons le groupe 41. Question. de sanglots, de l'amour ou de la haine, qui donc aura bon dos? J'ai eu ce cri de guerre, pas en faux frère, mais en son nom, je donne ma main à l'enfer, sous le crachat ma rédition. C'était la verticale avec le groupe Arcadia sur Radio Arc-en-Ciel. On va aller tout de suite dans les studios de Radio Arc-en-Ciel justement avec nos invités, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les vendredis soir nous recevons des invités en direct live. Et ce soir, donc, c'est le groupe 41 Rock. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oh là, vous êtes loin, je vais monter un petit peu tous les micros et puis on va régler un petit peu tout ça. Donc, c'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Oui. Vous êtes toujours très très loin. Oui. Bon, bah, on va essayer de régler ça au maximum. Bon, le groupe 41. Le groupe 41, ça fait depuis combien de temps qu'il existe? Un an et demi à peu près, oui. Un an et demi? Oui. D'accord, très bien. Alors, comment vous êtes rencontrés? Par hasard? Non. Pas tout à fait, quand même. Non. Bah, en fait, c'est parti qu'on a, on a mis une annonce. Enfin, on était... enfin, il y avait Philippe et moi, et Philippe. Bon, ouais, les deux ça. Philippe. Chanteur. D'accord. Chanteur et bassiste. Ouais. Et puis, on voulait monter donc, un groupe. Enfin, on avait chacun un groupe, et puis en fait, bon, et on voulait en créer un autre, un nouveau groupe. Ouais, et puis, donc, on a passé une annonce sur... sur un site de musiciens, quoi. Et oui, puis... pas de rencontre. Hein. Non, non. De rencontre de musiciens. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, donc, bah, on a fait plusieurs essais. Puis après, on est tombé sur notre quatuor, en fait. Magique. D'accord. Donc, c'est par des annonces. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette annonce, justement, pour retrouver des, pour recruter des musiciens pour faire le groupe? Eh bien, on annonçait nos préférences, quoi. Notre style de musique, ce qu'on recherchait, Inmates, Dr. Feelgood, voilà, donc pop rock. Ça, c'est vos influences? Oui, c'est la base, quoi, c'est le départ. Aujourd'hui, après un an et demi, on a un petit peu évolué, on a été vers autre chose, mais voilà, au départ, c'est ça. Alors, le groupe 41 Rock, il fait des reprises uniquement pour l'instant? Oui, pour l'instant, uniquement des reprises. Ouais. Donc, c'est les morceaux qui vous ont plu, que vous avez envie de reprendre. Alors, comment vous faites pour sélectionner un morceau? Pourquoi vous choisissez un morceau plutôt qu'un autre? Il faut que ça plaise à tout le monde, ou est-ce qu'il faut que ça plaise au leader et puis les autres esthèses? Comment ça se passe? Il n'y a pas de leader, mais comme on les a choisis tous les deux, ils sont obligés d'accepter nos morceaux. Non, je rigole. Non, mais on avait une base de morceaux qu'on a commencé à faire ensemble, et puis après chacun a proposé quelque chose, le batteur, le guitariste, et puis on en discute, on les joue, si ça passe, eh ben on les prend, voilà. D'accord, très bien. Alors les influences, tout à l'heure vous avez commencé à en citer quelques-uns, quelles sont-elles? Quels sont les morceaux déjà que vous reprenez en règle générale? Je continue à parler, les gars. Ouais, vas-y, t'en sors bien. Et ben on a commencé, enfin, Dr. Feelgood, les Inmates, les Pirates, je sais pas si... Ouais, les Pirates, ouais. Après, c'est beaucoup de gens connaissent les Pirates. Les Clash. Les Red Hot. Red Hot aussi. Ça, c'est... Ouais. Ça, alors, c'est un groupe belge. Dans le groupe, c'est pour ça. Un groupe belge qui s'appelle le Chef Shifted. D'accord. Ouais, on reprend deux morceaux d'eux, ouais, comme quoi la Belgique, on a bien aimé, quoi. C'est un peu influence Rolling Stone, mais c'est bien, c'est sympa. Et puis là, on a fait des nouveaux morceaux, on fait des petits medley, on reprend un Lenny Kravitz par exemple, un Nirvana. Mm-hmm. On arrive à des morceaux plus récents, quoi. Voilà. Alors ça, c'est des morceaux, par exemple, quand vous les interprétez en concert, les gens qui viennent vous voir, c'est des morceaux qui vous apercevez que c'est des morceaux qui peuvent attendre, c'est des morceaux qui leur font plaisir, qui reconnaissent. Eh bien, oui, malgré tout, c'est des vieux morceaux, mais il y a beaucoup de gens qui sont assez surpris parce que... Je dis pas qu'on se démarque des autres, mais je pense qu'on reprend des morceaux que beaucoup de groupes ne reprennent pas. Il y en a quelques-uns, bien sûr, qu'on reprend. Hein. Oui, il y a des standards, et puis il y a aussi des morceaux qui vous plaisent plus à vous, qui ne sont pas forcément les plus connus des groupes que... Voilà, voilà. Et des gens sont agréablement surpris, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ces morceaux-là, ou tout au moins qu'on reprenne ceux-là, de ces groupes-là. D'accord, très bien. Donc, et après, une fois que vous avez sélectionné les morceaux, vous les écoutez, vous les faites écouter aux autres, et puis après... Voilà, après, on a un chef d'orchestre, et là, on a un travail à rendre toutes les semaines, et on doit évoluer favorablement. Alors, comment ça se passe, vous... Non, j'ai instauré un petit système de vote, via un GEDOC, là, sur... qu'on se partage, et donc du coup chacun met son oui, non ou bof, et puis voilà, et puis après c'est, bah... c'est quand même démocratique alors. Ah oui, complètement, ouais. Complètement. Oui. Et après vous voulez répéter, vous faites des répètes tous les combien? Eh bien, on essaie de répéter toutes les semaines, des fois deux fois par semaine, ça nous arrive même plus, mais deux fois par semaine. Alors on fait entre 2 et 3 heures de répète. On est dans un studio à Blois qui s'appelle Pôle Nord, je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent. J'ai entendu parler. Voilà. Et donc on a la chance, ils ont 3 salles de répète, et on réserve notre créneau horaire, et là on essaie de ne pas perdre de temps pour être efficace. D'accord. Alors une à deux fois par semaine vous retrouvez, et comment ça se passe? Vous bossez toujours à fond, ou alors de temps en temps vous profitez aussi pour discuter un petit peu des morceaux que vous allez reprendre? Oui, enfin on essaie de... Une fois que la sélection est faite, on a un travail à faire, chacun de son côté, pour être efficace, et puis pour confronter ce qu'on a fait de notre côté ensemble, si ça passe bien. et on essaye de travailler au maximum. Les pauses sont limitées. Hein. Ouais. Bon, syndicalement, on se plaint. On bosse beaucoup parce qu'on a notre guitariste, c'est un peu un tyran. Donc, voilà. On fait attention quand même. On travaille. Ouais, en fait, on essaye de privilégier ces séances de répétition pour faire de l'assemblage, en fait. Et pas, donc chacun arrive à travailler son morceau, enfin, ou les morceaux. Et, ouais, puis, partie, quoi, ouais. Et donc, on assemble parce que c'est. On gagne beaucoup de temps. Ça. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que grâce à Internet, vous échangez sûrement des fichiers aussi par Internet. Tiens, voilà ce que j'ai fait à la guitare, ce que j'ai fait à la basse. Et ça vous permet de gagner un petit peu de temps quand vous retrouvez. Quoi. Ouais, complètement, on écoute, ouais. On écoute surtout nos répètes, on les enregistre à chaque fois. D'accord. Et comme ça, ça permet de voir où on pêche et où il faut qu'on retravaille. Mm-hmm. Très bien. Donc ce soir, vous êtes venu avec les instruments. Vous allez nous faire aussi des lives. Tout à fait. Vous en avez travaillé deux pour l'émission spécialement. Exactement. Voilà. Très bien. Là, ce que je propose, c'est qu'on écoute déjà un petit morceau. Vous avez amené une petite sélection. Alors, il faut savoir que c'est des morceaux qui ont été enregistrés. Tu vas nous expliquer un peu, Phil, comment ça s'est fait. Donc, c'est des maquettes, c'est pas des. On va laisser la parole au guitariste parce que c'est lui qui est le technicien. Ouais, je suis passé pour. Voilà. Comme disait Chris tout à l'heure, le batteur. Donc on essaie d'enregistrer les répétitions pour s'améliorer à chaque fois. Et puis du coup, on a sélectionné les meilleurs morceaux. Alors c'est tout simplement fait avec un zoom, hein, c'est un petit enregistreur numérique qu'on balade partout. Et donc du coup, c'est bien pratique pour les répétitions. On pose dans un coin de la pièce et puis hop, c'est parti, on enregistre. Après on sélectionne, on découpe, on gonfle le son et puis... D'accord, donc ça fait des petits enregistrements bien sympathiques qu'on peut diffuser après, par exemple, à la radio. Voilà, par exemple. C'est votre première radio, non? Ou vous avez déjà été dans d'autres studios? Non, c'est la première. Ouais, première. Très bien. Donc moi, je vous avais vu, c'était au Broken Roll, chez nos amis les Red Aff. Ça se passe à Talcy tous les mois de septembre, c'est ça. Exactement. Et c'était déjà la troisième, trois ou quatrième, je crois. Ça fait déjà plusieurs fois. Et nous, on était là-bas avec notre stand Mavrika, et puis effectivement, on a pu vous découvrir. Il y avait le groupe Odeon aussi, qu'on a reçu il y a quelques temps. Des amis, Qui c'est qu'il y avait d'autres? Soul Latitude. Ah oui, Soul Latitude qu'on va recevoir aussi. Alors eux, ils sont très nombreux, donc ça va être encore plus compliqué. Et puis je crois qu'ils viendront sans la section cuivre et tout ça, parce que sinon, ça va pas être possible. Et par contre, ils ont préparer comme vous des petits enregistrements qu'on pourra diffuser pour l'émission. Alors je propose qu'on écoute tout de suite un morceau. Alors moi j'ai pris le premier dans l'ordre. Give me one more shot back in the USSR. Et c'est ça. Alors faut expliquer peut-être avant que c'est deux morceaux qui se suivent. Hein, Oui j'ai compris. Oui. Mais du coup ça va être un peu plus long. Quoi, voilà. D'accord. Mais donc c'est des morceaux enchaînés. Et c'est des morceaux de qui? Ah, c'est pas nous en tout cas. Le premier est Dr. Feelgood et le deuxième c'est les Beatles, mais un petit peu une version Inmates, un petit peu plus. D'accord, revisité par les Inmates et revisité par 41 Rock. Aussi. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on va écouter donc tout de suite un premier morceau du groupe 41 Rock qui est notre invité ce soir. Give me one more shot, but I'm just before I go. Don't let me go, don't play no more. My boy's Voilà, on vient d'écouter un premier morceau, même deux morceaux à enchaîner à la suite. C'est le groupe 41 Rock qui reprenait un morceau qui s'appelle Back in the USSR. Et juste avant, Give Me One More Shot. Voilà. C'est bon, j'ai tout bien dit ? Exactement. Donc c'était Dr. Feelgood et puis les Beatles, hein, oui. Un morceau que tout le monde connaît, à la manière des Inmates. Voilà. C'est un groupe qui vous marque beaucoup, les Inmates ? Ben oui, on aime bien ça, oui. Oui, c'est, voilà, et les Beatles aussi, je suppose. Oui, oui, oui. Plutôt voilà. Beatles, plutôt Rolling Stones ? J'ai toujours été les Beatles, mais j'aime bien les Rolling Stones aussi. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre, non, hein, c'est ce que non, je dis souvent. Voilà, à un moment, on les a montés un peu l'un contre l'autre, alors qu'en vérité, ils étaient même potes, et puis ils s'estimaient les uns les autres. C'était pour la pub, ça. Ouais, c'était pour la pub. En même temps, pendant qu'ils parlaient de ça, voilà. On vient d'écouter deux morceaux à la suite. On connaît un peu plus sur vous. Donc, le groupe existe depuis un an et demi. Par contre, à vous entendre, on voit que vous jouez pas depuis un an et demi. Ça fait déjà un petit moment que vous jouez, non ? Chacun d'entre vous a déjà participé à d'autres groupes, à d'autres projets, ou comment ça se passe ? Bah oui, alors on a la chance d'avoir Steph à la guitare. Il va se présenter. Il est timide, mais il va parler de lui. À toi, Steph. D'accord. Moi, j'ai commencé la guitare, j'avais 14 ans, donc ça fait un moment. Ça fait deux ans. Et puis du coup, en fait, je donne des cours de guitare sur la région de Blois. D'accord. J'adore pratiquer la musique, pour personnellement aussi. Donc c'est déjà une passion, voilà. Voilà, c'est aussi évidemment une passion que j'essaie de partager avec mes élèves, mais en plus de ça, ça me fait aussi plaisir de jouer. Du rock dans ce groupe des 41 Rock. Très bien. Voilà. Ok, donc voilà donc pour Steph, hein, le guitariste. Après, on peut faire le tour de table. Donc, par exemple, bon, on va continuer hein, juste après. Chris. Moi, c'est Chris, le batteur. La batterie, j'ai commencé il y a longtemps, longtemps. Et puis, j'ai arrêté aussi il y a longtemps, longtemps. Et c'était plus fort que moi, fallait que je reprenne, j'y pensais tout le temps. Bah, quand on a une passion jeune, au bout d'un moment, même si on la met un peu dans le stand-by, au bout d'un moment ça revient quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis grâce à un ami guitariste, j'ai fait connaissance d'Edo Philippe. C'est comme ça que je suis arrivé dans le groupe en fait, voilà, tout simplement. Et puis depuis, avec Stéphane, on s'éclate tous, là. On se fait des bonnes soirées, des bons concerts. Très bien. Ok. Et toi, Phil, de quel Moi, j'ai fait quelques petites collaborations dans un groupe ou deux, quoi. Voilà. Et puis. Tu peux les citer. Hein, ça fait partie aussi de l'histoire du rock'n'roll. Ouais. Alors, il y a un petit groupe sympathique qui s'appelle les Padawan. Padawan. Oui, les Padawan. Voilà. Ouais, exactement. Ça me dit quelque chose. Ouais. Les Padawan. Ouais. Et puis, on avait monté un groupe qui s'appelait les P4, qui. Je pense que c'était à la base des 41 au départ pour moi, parce qu'on reprenait principalement les vieux morceaux aussi, hein, voilà. Donc, malheureusement, on a perdu notre guitariste, voilà. Et donc, le groupe a disparu, et grâce aux copains qui sont là, on a réussi à le reformer un petit peu, quoi, avec d'autres personnes, mais en partant sur une même base. Puis aujourd'hui, on évolue, on amène d'autres morceaux, on amène d'autres choses, voilà. Très bien. Et l'autre fil, donc le dernier. Alors moi j'ai un parcours un peu plus je sais pas chaotique, mais enfin disons diversifié, on va dire, parce que à la base, moi j'ai commencé la musique au conservatoire et c'est l'intellectuel, hein, c'est l'intellectuel du groupe, attention. Non, mais je faisais de la flûte traversière. D'accord. Dans le groupe, non. T'as changé d'instrument, donc. Ouais, non, mais après j'ai fait j'ai même fait un ensemble de musique baroque, mais en fait je voulais m'élever un peu, donc je suis passé au rock. Elle est bonne, hein, celle-là. Et donc je me suis mis à la batterie, et puis pendant une quinzaine d'années, puis après j'ai fait une grande pause aussi, un peu comme Chris. Et puis j'ai repris, je voulais reprendre, et puis j'ai dit tiens, j'ai envie de changer d'instrument. Et puis j'ai dit tiens, la basse, il manquait un bassiste dans une petite formation. Souvent c'est ce qu'on a le plus de mal à trouver justement pour les groupes, c'est les bassistes et les batteurs. Les guitaristes, il y en a la peine. Et après il faut trouver les bons aussi. Hein. Bon, ça fait à peu près 6 ans ouais, que je suis à la basse. Et puis avec cette nouvelle aventure là, c'est vraiment. On s'éclate là, enfin vraiment. C'est super. Voilà, très bien. Donc la première chose déjà, c'est pour vous faire plaisir à vous, parce que vous êtes des passionnés de la musique. Et en plus, partager cette passion avec le public. Alors vous avez choisi le nom 41 Rock, pour quelle raison ? 41 pour 41. Je me doute un petit cher. Peu. Ouais. je l'ai dit dans une émission précédente en vous annonçant que vous alliez venir. Je me suis dit, je suppose que c'est ça, mais on n'en est pas sûr. Donc on va leur poser la question. Voilà. Donc maintenant c'est fait. 41, c'est pas la taille des chaussures. Non. C'est le... Non, c'est plus grand que ça. D'accord. Enfin, pour moi, oui, donc c'est le département d'où vous venez. Voilà, 41. 41, très bien. Et puis, donc, depuis un an et demi, vous avez répété. Vous avez combien de morceaux que vous pouvez interpréter ? Voilà, une vingtaine de morceaux, oui, à peu près. Plus 25. Oui, ouais, on va faire un set de presque 2 heures, quoi, là, à peu près. Ouais, plus le medley. Plus le medley en plus. On tient 2 heures. Ah ouais, d'accord. Donc en un an et demi, vous avez pas chômé quand même. Vous avez... Ah non. Ça c'est sûr. Et au niveau des concerts, vous avez fait combien de concerts déjà ? Beaucoup ? On a commencé au printemps dernier, donc c'est tout frais. Parce qu'au début, il faut déjà se mettre en place. Voilà, et puis une fois que c'est à peu près bon, on dit maintenant on va peut-être sortir, faire découvrir notre musique. Et 5 concerts, dont celui dont on a parlé tout à l'heure, c'était la Rock'n'Roll. Et il y en a eu d'autres, qui vous ont marqué aussi, que vous avez envie de citer ou bon. Ben, on a fait au VNB. Oui, j'ai vu les photos. On a fait un bon concert. Là. Il y avait une bonne ambiance, c'était sympa. C'était très bien. C'est sympa. Donc ça, c'est un des endroits où on peut aller voir des groupes. C'est souvent le jeudi soir que ça se passe, non ? Le vendredi. Ah, c'est le vendredi. Et comme il y en a deux, un Blois Nord, un Blois Sud, et ben ils alternent. D'accord. Bah c'est un peu comme nous sur Orléans. Il y en a aussi deux sur Orléans et un autre à Chessy. Il y en a 4. Attends, Didier, tu peux parler. Il y a le micro qui est branché. Hein. Ah non, mais je t'écoute. Je bois tes paroles. Oh, bah disons, toi t'as un micro qui flash. il pète le mien. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est normal. Voilà, attends, je suis en train de les régler en même temps, donc voilà. Parle un petit peu plus, là, maintenant, pour voir si... Oui, je te disais, il y en a 4 quand même sur Orléans, des VNB, donc il y a trois faire pour jouer. Olivier, il y a... Ingré. Chessy. Et Orléans Centre, maintenant. Orléans Centre, mais Orléans Centre, il fait pas de concert, trop petit, mais voilà. D'accord, ok, bon, voilà. Mais pour les concerts, effectivement, il faut... C'est un Ingré, Chessy et Olivier. Ouais, et souvent, c'est le jeudi. C'est jeudi soir. C'est le jeudi soir. Et à Blois, c'est vendredi. C'est ça. Comme ça, on peut aller le jeudi à Orléans, à Blois le vendredi. Et voilà. Je cherche pas d'excuses. Et nous, le vendredi, on peut pas y aller parce que nous, on fait l'émission hein, tous les vendredis soirs. Donc, très bien. Donc, le VNB, d'autres endroits encore qui vous reviennent à l'esprit. On a fait des bars sur Blois aussi. Voilà. Ouais. Et puis là, on est en recherche pour sortir. Là, on a des contacts pour. Samedi prochain, on joue dans un bar à Blois qui s'appelle le Bartender. J'ai vu l'affiche, elle est déjà partagée, donc il y a l'affiche, donc le Bartender, donc c'est un bar aussi, je crois que c'est la première fois qu'on le cite ici. Centre-ville de Blois. C'est un pub en fait, c'est anciennement le Velvet, c'est en bas des escaliers de Denis Papin. Très bien, donc vous donnez rendez-vous aux gens qui ont envie de vous suivre. 20h. Samedi. Pétante. Ouais. Ok, d'accord. Très bien, donc ça on va l'annoncer. Il y a d'autres dates que vous voulez annoncer parce qu'on va commencer à parler un petit peu des projets parce que là on commence à vous connaître un petit peu. On fait les portes ouvertes de chez Daffy au mois d'avril. Daffy Moto à Blois. Et puis d'autres dates qui sont en négociation de toute façon. Ouais. Qui approchent. Ouais. Plein de surprises 2020, j'espère. Ouais. Beaucoup de concerts. Ok, donc on va continuer à suivre. Alors vous avez un Facebook, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et dans le Facebook, on peut voir déjà tous les concerts qu'il y a, les dates. Pour l'instant, donc les dates, là, on commence à... il est frais, le Facebook, en fait. Oui, il est tout ouais, neuf. Oui, il est tout neuf. Donc on va l'étoffer un petit peu, là, les semaines qui viennent. On va mettre des répètes, du son. On va mettre cette photos, petite soirée avec vous. Voilà. On va mettre plein de choses. Très bien. Donc, à la fin de l'émission, nous, on fait l'émission. Après, vous allez, on va prendre des photos tous ensemble. D'accord. Et puis après, les photos, moi, je les partage et vous les partagez comme vous voulez sur le Facebook, sur d'autres sites. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous retrouver, à part le Facebook ? Il y a un site, est-ce qu'il y a... Non. C'est Facebook pour l'instant. Facebook pour l'instant. C'est déjà pas mal. Donc si jamais il y a des bars qui ont envie de vous faire jouer, ou des scènes hein, simplement, qui vous écoutent ce soir, qui ont envie de vous contacter, le mieux c'est peut-être d'envoyer un petit message sur Facebook. Exactement, il y a un numéro de téléphone, on peut nous joindre sans problème. Très bien, on écoute un deuxième morceau alors ? Très bien, attends que c'est parti. Alors le deuxième, moi je vais à la suite, hein. Ils sont dans l'ordre alphabétique je suppose. Et le prochain c'est Going Back Home et Hygiaphone. Ah oui. Ah, il y en a deux à la suite aussi. Enchaîné, ouais, après. Donc le premier c'est sinon Dr. Feelgood. Peut aller plus bas. Dr. Feelgood. Ouais. Et le deuxième, ben, c'est Téléphone. Voilà. Oui, le deuxième Hygiaphone, et Téléphone. Très bien, ben, on écoute ça tout de suite et puis on se retrouve après à nouveau avec le groupe 41 Rock. Donc c'est le groupe 41 Rock sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis maintenant on va les retrouver, ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel justement pour nous parler de leur musique et aussi pour interpréter des morceaux en live. Donc ils ont amené leurs instruments et ce soir là, donc là ils sont en train de se mettre en place. Il va y avoir des interprétations en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Est-ce que vous êtes prêts? Ils n'ont pas les casques, ils sont chauds, ils sont prêts. Ils sont chauds, bouillants. Ouais. On va démarrer directement alors. Bah, je crois qu'ils ils sont prêts là. Tu peux y aller, tu peux. Ok. Envoyer. Donc, oui, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de répéter comme ça. Donc là, ils n'ont même pas mis les casques. Ils vont faire le son en direct live dans le studio. C'est ça. C'est parti. Donc, je vais arrêter la petite musique de fond et je vais leur dire de partir. Je leur fais un petit signe. Hein. Je pense que tu leur fais un petit signe. Il va vous faire un petit signe et puis voilà. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe 41 Rock qui sont venus du 41, comme leur nom l'indique, et qui viennent de nous interpréter un morceau. Alors là, ils nous entendent pas, ou si, peut-être, il y en a certains qui ont les casques, d'autres pas. Ils s'appellent If You Got a Problem, des Shapeshifted. D'accord, c'est le groupe belge en question. Le fameux groupe belge, donc c'est du rock'n'roll qui envoie bien comme il faut en tout cas. Donc le groupe 41 Rock en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous avez envie d'interpréter un deuxième juste à la suite, non? Ou on peut le faire ça comme ça? On y va. Ok, puisqu'on est en configuration. Et vous remettez en place et puis on interprète donc le deuxième morceau, comme ça, ça sera impeccable. Parfait. Voilà, c'est bon, quand vous voulez. Voilà, on est en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec le groupe 41 Rock. Ils nous ont fait une première interprétation et là, on va avoir le droit à la deuxième interprétation en direct, quand vous voulez. million to see. I can't tell the way you look at me, the way you smile, you hold my hand. Pretty baby, I can understand. Oh, I can tell, oh, I can tell. Why, no, you don't love me no more. Bravo. Les 41 Rock en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, les groupes que nous recevons ici à la radio, eh ben, ils jouent en direct live. Donc là, ils vont se réinstaller. Et pendant ce temps-là, ce que je propose, c'est qu'on continue à écouter un petit peu de leur musique. Un morceau enregistré qu'ils nous ont apporté qui s'appelle Uchi Uchi Man. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Come on. Voilà, encore un morceau des 41 Rock qui sont nos invités ce soir. Et là, on va les retrouver donc dans le studio. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle Cucci, Uchi Cucci Mail. Oui. Voilà. C'est un morceau de qui ce... Feel Good. Mais la nouvelle, le nouveau groupe, là, avec la disparition de Librio, c'est leur nouveau chanteur dont le nom m'échappe, que j'ai déjà vu à Tours. Et c'est, donc, c'est la nouvelle formation. Voilà. D'accord, très bien. Comme d'ailleurs, Give Me One More Shot, c'était aussi la nouvelle formation. Voilà. Ok. Et le morceau, c'était le morceau qu'il y avait juste avant celui que vous avez interprété Non, celui qu'on a interprété juste avant, c'était I Can't Tell du groupe Les Pirates. Ah, le les deuxième Pirates. Live. Le deuxième D'accord, live, très ça. Bien. Le deuxième live. Voilà, comme ça on a tout, voilà. tout présenté. Donc c'est important aussi de dire à qui sont les morceaux et comment ils s'appellent. Oui. Comme ça on les écoute. Moi ce morceau-là, je le connaissais déjà, mais interprété par les. Les Blues Factory, vous connaissez les Blues Factory, non ? Le groupe, je le connais de nom, comme ça, Factory, mais je sais pas ce que c'est. Mais... oui, c'est un groupe qui s'appelle comme ça, qui sera d'ailleurs très prochainement au Caisson, hein, si je me... La semaine prochaine, avec les Chili Dogs. Avec les Chili Dogs, ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Donc, demain, non. Caisson. Un groupe que nous avons déjà reçu ici à plusieurs reprises, les Chili Dogs aussi, donc voilà, c'est beaucoup de groupes. Vous y allez souvent en Caisson, puisque vous êtes de la région là-haut. Ouais. Moi j'y suis allé plusieurs fois, ouais. On a eu la chance de voir Manu Lanvin, ouais. de voir aussi Yarol Poupeau aussi. Yarol Poupeau, ouais. Ouais. Ouais, qui est venu à deux reprises, oui, bien, oui, et à chaque oui, fois oui. il a fait la salle comble. Un showman. Ouais, c'est un showman. hein. Et puis moi j'ai eu l'occasion de voir Manu Lanvin, qui lui aussi est un super artiste et gentil comme tout, simple comme tout. Voilà, c'est ce qu'on aime aussi. Ouais, des gens abordables. Ouais. Des gens abordables et qui n'ont pas moins de talent que certains autres. Qui... voilà. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup. C'est une bonne salle. Le son est bien et c'est agréable. Ouais, les gens sont sympas là-bas en plus. Oh, oui, non, l'ambiance est bonne. Vous connaissez bien les Red Daft, non oui. C'est oui, des potes à vous aussi, non Oui, ouais, très bien. Bah, qui n'aime pas les Red Daft, de toute façon voilà. Justement, vous avez peut-être rencontré d'autres groupes et tout ça. Est-ce que vous avez envie de nous en parler un petit peu, certains autres groupe avec lesquels vous avez peut-être fait des scènes ou alors vous c'est des potes à vous bon les Red Daft par exemple les ouais les Red Daft à Telsi là il y avait les enfin on n'a pas eu le temps de beaucoup parler parce qu'on était trois groupes. Odéon c'était sympa aussi ce que Odéon c'était bien c'était très bien ce qu'ils faisaient. Et malheureusement on est parti avant le dernier groupe où ils étaient une douzaine sur scène là parce que le temps qu'ils s'accordent et qu'ils s'arrangent ça a pris beaucoup de temps sous l'attitude voilà. Donc on va recevoir au mois de janvier ils avaient l'air sympathiques mais c'était on n'a pas eu le temps de les écouter on était parti avant qu'ils se mettent en route voilà c'est un groupe de pas très loin d'ici ils viennent de la Chapelle Saint-Émile hein, donc c'est un groupe de là-bas. Et puis et donc ils étaient 8 hein, sur scène, 8 euros. Oh, c'est un paquet. Quand on fait de la soul, il y a tout de suite la section cuivre qui vient se greffer à la formation normale. Donc forcément ça fait du bruit. Et en plus je crois qu'ils ont un chanteur et une chanteuse. Oui, hein, donc ça fait du monde. Hein. Ils viendront ici dans les studios, ils font aussi des interprétations en live, mais on imagine que ça ne sera pas comme quand c'est une grande salle. Quoi. Ah, ouais. Donc Odeon, Sol Latitude, d'autres groupes encore que vous avez eu l'occasion de rencontrer là, sur Blois. Bah, on en croise quelques-uns aussi à Pôle Nord quand on va répéter du coup parce que il y a quand même pas mal de groupes qui côtoient ce lieu. Ouais, il y a Goodbye Watson, je sais pas si vous les avez reçus. Goodbye Watson. Alors Goodbye Watson, on le connaît bien puisqu'ils sont déjà venus ici dans les studios, ils ont aussi participé à un Maverick Alive avec nous quoi. Donc les concerts que nous organisons deux fois par an et ils ont participé donc c'est des gens qu'on connaît bien Goodbye Watson. Ouais, d'ailleurs, on a encore parlé dernièrement, les Goodbye Watson. Dit, oui, c'est un groupe que je connais bien et tout ça. Voilà, parce qu'il y a aussi pas mal d'endroits où les gens peuvent aller se produire. Donc, des fois, ils demandent tiens, est-ce que vous connaissez un groupe dans ce style-là ? Et donc, nous, on leur dit voilà, vous les contactez de notre part. Voilà, parce que nous, comme on reçoit chaque semaine des artistes différents ici, on est à peu près on est à 433 émissions, donc plus de 350 projets différents sont venus ici, qu'on a présentés. Et donc, des fois, suivant les styles qu'on recherche, des fois, on a des contacts avec les gens et on peut les faire jouer dans des bars, ce qui est très intéressant, dans des bars ou dans d'autres événements. Voilà. Donc les Goodbye Watson. Et puis plein d'autres groupes. Enfin, on connaît pas forcément les. Oui, on connaît pas le nom des groupes, on connaît les gars parce qu'on les voit. On discute. Mais, oui, mais on sait pas trop le nom de leur groupe. Puis des fois, il y a des mélanges, des changements, comme ça arrive. Ça. Voilà. On l'a vu beaucoup. Des fois, on a vu Blaisance aussi. Enfin, moi, j'étais les. Ah, Blaisance. Ah, Blaisance, qu'on a déjà reçu aussi, qui ont beaucoup de talent. Blaisance, et qui sont super sympas aussi. Moi, j'avais fait une fête de la musique, c'est avec Barricade. Enfin, Barricade aussi, voilà, c'est les potes à nous aussi qui ont joué au dernier Maverick Alive. Voilà, très bien. Ben voilà, on connaît plein de gens, plein d'amis en commun, en tout cas des groupes que vous appréciez aussi, sûrement. Ben là, on parlait des projets. Est-ce que il va y avoir des concerts? Donc vous avez annoncé quelques dates. On peut les réannoncer si vous voulez. Hein. Donc le prochain, c'est le 14 décembre, samedi 14, 20h au groupe au Bartender. Bartender, voilà, ouais, à Blois. Mmh. Ouais. Voilà. Là, on a le 4 juin, donc. On a au mois d'avril un concert chez Daffy Moto, pardon. Oui. Concession Suzuki, voilà. Daffy Moto à Blois. Donc pendant leur porte ouverte. Ouais. Ouais. Ah, les motos, le rock'n'roll, c'est un truc qui va ensemble. Ça va bien ensemble, ouais, exactement. Ouais. Et voilà, donc pour les concerts et les autres dates, de toute façon, on peut les retrouver sur le Facebook, oui, parce que comme ça, un petit peu plus rapidement. Ouais, elles sont pas encore. C'est pas validé, donc on n'ose pas validé, mais, c'est en cours, c'est en cours. Ouais. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres projets, par exemple, faire des clips vidéo, des enregistrements en studio? Oui, ça c'est prévu, ça. Oui, ça c'est, on a pris rendez-vous avec un ingé son, donc on va faire un petit CD démo, quoi, pour. Parce que des fois, il y a des salles ou des bars qui nous demandent plutôt un support. Alors, le petit plaquette, là, ça donne déjà une bonne idée. Là, ce qu'on a entendu, hein, c'était des répétitions. Donc, le son, il est quand même. Son pas... direct, hein, c'est voilà, vraiment c'est le ça, son. Ça, c'est du pur jus, c'est du pub rock. Du brut de pomme. Mais. C'est comme ça qu'on enregistrait dans les années 50. Hein. Voilà, il y avait un seul micro et puis tout le monde autour. Et puis, ouais, donc on devrait passer en studio là, je pense, fin de l'année ou début de l'année prochaine. Quoi. D'accord, donc ça c'est important d'avoir des enregistrements. Ouais, un bon support, bien propre. Et comme ça, après, quand vous aurez envie de revenir dans les studios Radio Arc-en-Ciel pour nous les présenter, il n'y a pas de souci. Il y a aussi donc des enregistrements. Est-ce que vous faites des reprises? Est-ce que vous n'avez pas envie de composer aussi ou non? C'est pas votre truc. Alors si, on a des choses en cours, mais qui sont pas encore à maturité. Donc, mais ça vient. C'est déjà une idée, c'est déjà quelque chose. Ouais. Il y a peut-être des non, ils se regardent les uns les autres. Si, mais c'est encore, c'est des bribes, c'est un peu bon. Ses responsabilités. On va dire qu'on est sur les brouillons là pour l'instant. D'accord. Mais bon, le groupe est récent et c'est vrai que les groupes souvent ils commencent par reprendre des morceaux connus et après ils ont aussi envie d'amener aussi un petit peu leur style musical et ça leur donne envie de composer. Il y en a même certains qui composent et puis ils ont des compos, ils ont aussi des reprises. Et au bout d'un moment, il n'y a plus que les reprises que les compos qui restent quoi. Ouais. On lâche un petit peu les reprises ou alors peut-être vous allez faire les deux. Après, ça dépend du public. Ça dépend, ça dépend le retour qu'on aura aussi. Hein. Mmh. Très bien. Et par exemple, les brouillons, là, ils sont. C'est une question. Est-ce que c'est en français ou en anglais? Il y a un peu des deux. Un peu des deux aussi. Ouais. C'est plus l'anglais quand même. Ouais, quand c'est même. Prédomine pour chanter du rock'n'roll c'est quand même une langue qui se manie facilement. C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit souvent. Mais bon, comme avec des mots assez courts. Aussi le groupe Téléphone qui, eux, c'est vrai, oui. C'est la seule reprise française d'ailleurs qu'on fait. Ah, c'est la seule pour l'instant. On fait Gabi. Gabi, mes versions du groupe Newton qui est un peu plus speed. D'accord. Voilà. Gabi, ouais, ça me rappelle des souvenirs, ça, Didier. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà, et je pense qu'à certains qui nous écoutent, ça doit en rappeler aussi. Ouais. Voilà, donc on est ce soir avec le groupe 41 Rock, composé de Phil. Deux Phil, hein. Phil au chant, Phil à la basse, Steph à la guitare et Chris à la batterie. Et donc, il y a eu déjà plusieurs morceaux qu'on a pu écouter les uns après les autres. Et là, je propose qu'on en écoute encore un autre juste avant l'intervention de monsieur Didier Thibault qui va nous présenter l'agenda de Mavrika juste après. Yes. Ok. Donc, on écoute le morceau qui suit, I Wanna Be Your Dog. Enfin, c'est un morceau de qui, ça? Les Stooges. Les Stooges. Il est un petit peu plus. Voilà. Ouais, mais vous contentez pas de reprendre des morceaux, vous les mettez aussi à votre source à vous. C'est ce qui est important. On essaye. Merci Stéphane. Très bien, donc I Wanna Be Your Dog, le groupe 41 Rock. We'll be right back. dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec le groupe 41 Rock. Et nous allons donc suivre la suite. Suivre la suite, non, ça va pas du tout. On va poursuivre avec l'agenda de Mavrika présenté par Didier Thibault. Oui, présent. Donc, alors, que se passe-t-il cette semaine au niveau des sorties pour aller voir des groupes, justement, on en parlait tout à l'heure, les groupes de la région et d'ailleurs. D'accord, on commence comme d'hab. Ce soir, ouais, qu'y avait-il? Ce soir, il y avait Obscene qui jouait au hangar à Chalet, ouais. à partir de 20h30. On avait Carpath, donc un groupe de chansons françaises, rock, jazz, manouche, qui jouait au Copain d'abord, à Salbris. Mmh. On avait Chelsea qui jouait, ça fait un peu match de foot. On avait Chelsea qui chantait ce soir au Martin Pêcheur à Nargy. On avait une scène ouverte à la médiathèque de Saran en début de soirée, animée par Sadou. D'accord. Sadou Mané. Sadou. Une soirée métal, ça c'est à l'Astrolabe avec Betraying the Martyrs et Frontman to Dust qui sortaient leur disque ce soir ou qui officialisaient la sortie du disque ce soir. Et Beyond the Sticks, un groupe de Tours. Ok. Voilà. Donc d'accord. C'est à 20h30. On avait Stéphane... qui aiment le métal. Ouais, du gros métal, ouais, quand même. Stéphane Montini et son trombone au live à la demeure, donc au Novotel. Empreinte musicale, c'était Half Moon Jazz à l'Empreinte Hôtel. Petite scène ouverte aux petits instants à Main-sur-Loire. Le Sapin en live au Club 15. Une puce à l'oreille, c'était au Meeting Pot Café, donc à Saint-Jean-de-Bray. Ça, c'est un duo de chansons françaises. Et puis nos copains de Bagadon qui jouaient au Café de la Mairie à La Haye-en-Val. Mmh, très un bien. Endroit auquel vous pouvez peut-être postuler. On va voir ça. Ok. Voilà. Demain ? Oui. Ouais. Donc on attaque au programme de demain. Donc demain, tout le monde le sait, c'est le grand hommage orléanais à la cathédrale, au boss, au taulier. Oui, Johnny. Tout à fait, à Johnny Hallyday. Donc voilà. Donc à partir de 11h, donc il y aura des lives, hein, il y aura un concert. Enfin, je sais pas pourquoi. Oui, quelqu'un devait nous en parler, mais finalement, on ne savait pas plus. Mais bon, apparemment, c'est un hommage à la cathédrale d'Orléans. Voilà. Donc, alors, je suis en même temps sur mon téléphone sur le blog de notre ami. Claudine Claudel. Donc il y a toute une page consacrée à cet hommage. Donc il y aura un diaporama, il y aura une ambiance musicale qui sera assurée par les Big Brothers Band, BBB. D'accord. BBB. Voilà. Il y aura Patrick Husson, il y aura son coach vocal, ancienne choriste de Serge Lama également, Marie. Et puis Céline Stolen, c'est une chanteuse dans les groupes Stolen et Macadam. Voilà, il y aura des vidéos, il y aura des projections. Enfin bref, un hommage complet et total à Johnny. Voilà, pour les 2 ans de sa mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre demain? Eh bien demain, on aura nos amis de Sled qui joueront pour le Téléthon à Saint-Dillon à partir de 11h. Donc en même temps que l'hommage de Johnny, donc il va falloir faire un choix. On en parlait tout à l'heure, j'ai dit que c'était la semaine prochaine le concert avec les Blues Factory, dont il y a un membre d'ailleurs qui est derrière la vitrine, et les Chili Dogs au caisson. Donc ce sera un paf de 6€, l'ouverture des portes sera à 19h, donc c'est à Talcy, au caisson, Blues Factory, Chili Dogs, et c'est demain. On aura le Winter Trip, donc ça c'est un festival metal hardcore qui va se passer à Tours. C'est la première édition, donc il y aura 7 groupes en tout. C'est proposé par Riposte Asso. Voilà, donc ça s'appelle le Winter Rip, et donc ça va se passer au centre socioculturel Léo Lagrange Janciana, c'est 90 avenue Maginot à Tours. Alors au programme, on aura Fall Brawl. Ça, c'est un groupe de hardcore metal qui vient d'Allemagne. On aura Cutrec Tommy, c'est du Slam Death Beatdown. Alors, il y en a qui pourront m'expliquer ce que c'est. Hein. Vous pouvez m'envoyer des messages. Ils m'expliquent un petit peu tous ces styles. On est preneurs aussi. Hein. Voilà, donc ça vient d'Allemagne également. On aura Toxic Shock, ça c'est du thrash hardcore crossover. C'est les Belges. Et puis, on aura toute une partie française avec un groupe de Tours qui s'appelle Final Showdown. C'est du deathcore. Frontman to Dust, ça c'est de chez nous, c'est d'Orléans. C'est du deathcore également. Human Worm, c'est du slam death beatdown. Tiens, c'est un deuxième, ils sont deux à faire ça. Ça doit être un truc qui est Clermont-Ferrand. Et puis Emile Louise Attack, c'est du metal hardcore, ils viennent de Tours. Emile Louise Attack, je les ai vus en concert à la Minute Blonde à Tours. Ça fait mal aux oreilles. D'accord, ça envoie. ça envoie mal, du lourd. Voilà, ouais. Ok. Eh ben écoute, voilà, c'est tout pour demain. Donc, il y aura certainement d'autres choses, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, moi. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Il y a pas mal de choses déjà. Donc ouais. Il va falloir choisir, on peut pas aller partout. Hein. Encore une fois. À choisir. Ensuite, on arrive à dimanche. Le dimanche, c'est la Java Pop. Hein. C'est comme tous les dimanches. Et puis là, ce sera Tia. Ah ouais, Tia, c'est vrai, c'est ce dimanche. J'ai eu l'occasion de voir Tia, bah, c'est le moment d'y aller parce que c'est vraiment très très bien. Vous connaissez, non? Non, du tout. Voilà, donc Tia, la Java Pop, et c'est à partir de 21h que c'est un passage au chapeau. Prévoyez un petit peu d'argent liquide. Ah bah oui, soyez généreux. Voilà. Oui. Voilà, déjà, le concert est gratuit, donc après, il faut simplement récompenser un petit peu à la hauteur de ce que vous aimez. Donc voilà, il faut un minimum. Hein. Ouais. Lundi, tiens, il y a un truc lundi, ce sera le live numéro 18, batterie, chant, piano, violon, donc c'est à la scène de l'Argonaute, et puis bah, tu sais, c'est les concerts qu'ils font un petit peu, je crois qu'ils en font un par mois, c'est tous les élèves des profs, donc Thomas Duval qui est prof de batterie, Muriel Reynaud qui est prof de violon, Franck Salé qui est prof de chant, entre autres, et Nathalie Joda qui est prof de piano, donc c'est à 19h30, c'est gratuit, et tous les élèves donnent un petit concert ensemble, voilà, pour certainement pour valider le mois de travail. Très bien. Mardi 10 décembre, bon, on restera toujours à l'Argonaute, hein, donc la salle qui est à l'Argonne, je le rappelle. Ce sera la jam numéro 11, ce sera animé par Vincent Viala, donc c'est un pianiste et compositeur. Et ce sera la dernière session de 2019, pour ceux qui veulent aller jammer, ce sera la dernière fois. Après, il faudra passer l'année prochaine. Et puis, bah, faut pas hésiter à venir avec ses morceaux, à proposer les morceaux, à venir avec vos partitions, vos grilles. Et puis voilà, c'est ouvert à tous. Et c'est à partir de 20h. Très bien. C'est gratos. Voilà, c'est gratos. Voilà. Mercredi. Mercredi. On attaque un truc tous les soirs, t'as vu là, ah bah là c'est bon. C'est, voilà. Parce qu'il y a des fois, il n'y a rien du tout, mais là, tous les soirs, il y a quelque chose. Voilà, un truc voilà. Tous les soirs. Le croque-bedaine. Le croque-bedaine. Le croque-bedaine, ancien ouais. Saint-Patrick à Orléans. Donc le CBO pour les intimes. À partir de 20h, on aura deux groupes. On aura les Verts de Omain. Et Strong Commons. Ok, d'accord. Voilà, deux groupes, hein, voilà, carrément. Un tout petit endroit avec deux gros groupes, ça va. Ça va envoyer. Ça va envoyer, ça va faire mal. Emmener, prévoyez des bouchons. Oui, tout à fait. Ouais. Jeudi 12. Mm-hmm. Voilà. Ce sera Sam Soul au Delirium Café. Donc, voilà. Hier, c'était Egon Rocking qui ont déchiré, qui ont mis le feu. Je pense qu'ils sont encore en train d'éteindre l'incendie là-bas. D'accord, ils ont vraiment. Et on remet ça, on rattaque jeudi prochain avec Sam Soul. Donc ça va aussi. Ça va aussi envoyer. Vous connaissez Sam Soul? Non. Eh ben allez les voir. C'est un groupe de reprises qui font que des reprises des années 70, beaucoup, dans l'esprit, avec des jazz, des morceaux de 12 minutes, 19 minutes. Mm-hmm. Voilà. Pink Floyd, c'est vraiment super. Très bien, le groupe Sam Soul aussi qui a participé déjà à des émissions et aussi au Maverick Alive il y a quelques temps. Voilà, et en parlant de Sam Soul, ils seront, j'ai oublié de le dire, ils seront demain pour le Téléthon au RCO, donc au stade Marcel Garcin. Ils vont jouer au Clubhouse après, bon, je pense qu'il y a un match de gala, ils vont jouer juste après. D'accord, ouais. Sam Soul. Et puis bah, vendredi prochain, on va attaquer avec les petits pains et le petit crêpe. Donc ça va se passer à la ruche en Seine, à partir de 19h30. On aura Cover Games au live à la demeure au Novotel. On aura le Two Times numéro 20, donc toujours à l'Argonaute, avec Zanskar et Bastom. Ça, c'est un duo électrodrome orléanais. Voilà, c'est payant, mais c'est libre. D'accord. On donne ce qu'on veut. Et puis, on aura le récital magique de Jérôme Damien au Club 15. C'est un pianiste et magicien, donc pour 5€ à partir de 20h30. On aura le Quartetto Café Con Pan. Ah, voilà. Ça, c'est la musique latino, ça. Ça, voilà, c'est de la salsa. La salsa, ça va se passer au bureau à Saran à partir de 20h30. Bah, écoute, et puis Full Tank qui sera au Café de la Mairie à la Yorval. D'accord. Voilà, puis on aura fini la semaine. Bah, c'est déjà pas mal, il y a pas mal de. Un truc tous les soirs, c'est rare. Hein, un truc tous les soirs. Donc. Ouais, c'est très rare. Parce que des fois, t'as beau fouiller, il y a des jours, il n'y a rien. Ouais. Et après, par contre, il y a des jours où il y a vraiment trop de choses et on ne sait pas où aller. Je pense qu'on arrive doucement, gentiment vers la fin de l'année, donc on est en train de bouter tous les concerts qui restent à faire. Parce que là, ça, je pense que ça va aller en débrayant. En général, les dernières semaines de décembre, il n'y a pas grand-chose. je pense aussi. Après, ouais. C'est les fêtes de famille et tout ça. Donc après, retour en 2020, donc à partir du mois de janvier. Voilà. Bah, oui, il paraît. Doucement, doucement. Voilà. Donc voilà pour l'agenda de Mavrika présenté par Didier Thibault. Yes. Avec toutes les idées de sortie donc dans la région orléanaise, ouais, principalement. Il y en aura certainement d'autres, hein, tu sais, je suis pas. Ouais, voilà. Et après, c'est pareil, les gens qui organisent des choses comme ça, il faut aussi ne pas hésiter à nous contacter de manière à ce qu'on en parle dans l'agenda. Comme ça, ouais, mais il y a une page, hein, on va le rappeler encore une fois, il y a une page spéciale. Donc quand vous vous connectez sur Albino Mavrika pour avoir accès au Facebook de l'émission. Il y a une page sur le côté qui s'appelle l'agenda de Mavrika. L'agenda de Mavrika, voilà. Et là, on peut déposer, d'ailleurs, si vous avez des dates, vous pouvez déposer directement dessus. D'accord. Votre date, votre événement. Et puis, bah, nous, on y a accès, comme ça, après, moi, je peux en parler. Voilà, nous, on y a accès. Et puis, c'est vrai que nous, dès qu'on nous invite, on partage évidemment sur Internet et on en parle aussi sur l'agenda de Mavrika. Le but, à l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. C'est de faire du bruit. De faire du bruit, ouais. Voilà. Il faut vraiment que les gens y sortent parce qu'après, on se plaint sur Orléans, il n'y a pas beaucoup d'idées de sortie. Et nous, on vous les donne. Donc, allez-y, simplement. Voilà, c'est, vous n'avez même pas donne, besoin de chercher. Donne, hein, on les fait pas ouais, payer. On les fait pas payer. Hein, donc, vous avez juste à nous écouter et puis vous y rendre. Il n'y a pas de problème. Nous, on cherche pour vous. Ouais. Donc maintenant, tu veux nous parler d'un groupe aussi ? Oui, pour refermer l'agenda, comme toutes les semaines, un groupe, une formation. Un groupe, oui. Voilà, il s'appelle Memory, c'est une formation qui vient de la région parisienne, ils viennent de Massy. Voilà, ils ont vu le jour en 2017, ils sont composés de Lucas qui fait la partie chant-guitare, Arnaud qui a la basse, Alex à la batterie, Fred au clavier et Thibaut qui est la lead guitare. Voilà, en attendant pour l'instant, ils sont en train de préparer un petit nouveau single pour début 2020. Donc, d'ores et déjà, on peut se délecter d'un premier EP, d'un premier effort qui est sorti il n'y a pas longtemps, le 1er octobre. Il s'appelle Feel, Feel comme sentir en anglais, hein, F-E-E-L. F-E-E-L. C'est une petite tuerie, hein. Il y a 4 titres dessus, c'est tout en douceur, c'est 4 perles acidulées qui te fondent dans le pavillon auriculaire et qui viennent te chatouiller et te masser gentiment les tympans. Une sorte de massage musical. D'accord. Voilà. Bon, ça fait un bien fou en tout cas. Hein. Voilà, on peut trouver Stoppé sur SoundCloud, Deezer, Spotify pour l'écouter, sur Bandcamp pour se le procurer, alors il faudra quand même donner un petit peu, il faudra donner 4€ pour l'avoir. Et en plus, ils ont une chaîne YouTube. Et surtout, comme d'habitude, ce qu'il faut faire, c'est un petit geste. Il faut aller mettre un doigt, enfin surtout un pouce, hein, je m'exprime mal, un pouce bleu sur leur page Facebook, parce que c'est vachement important, les pouces bleus sur la page. Ouais, voilà, quand vous appréciez. Plus il y en a, mieux c'est, hein, les gars. Mieux c'est. Voilà. Pareil pour nous. Hein. Faut pas hésiter, hein. Voilà. Faut mettre des petits j'aime quand vous appréciez, forcément. Voilà. Des gros j'aime, même. Des gros j'aime. Voilà, bon, je pense qu'il est temps qu'on passe aux choses sérieuses en écoutant on va écouter le titre numéro 3 de l'EP qui s'appelle Eiffel Lights. Les lumières de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, voilà, d'accord. Eiffel Lights. N'oubliez pas de venir faire un petit tour sur notre blog, hein. Je vais rappeler l'adresse. Ouais, mavrikaemission.blogspot.com. .com, j'allais dire FR, c'est moi qui allais vous faire avoir. .com. Voilà, vous venez faire un petit tour, vous en saurez un petit peu plus sur Memory, hein. Donc, il y a une interview écrite. D'accord. Voilà. Et puis j'allais oublier, ils ont un site internet aussi qui s'appelle memorymusique.fr. Allez, je m'efface, je vais leur céder la place. Et puis on va conclure avec un We Are Old, We Are Young, and We Are Mavrika. We Are Mavrika. Voilà, et ça part pas. And We Are Mavrika. Voilà. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ça, c'est un nouveau jingle, ça. C'est le jingle de Didier Dien. Non, t'as pas reconnu, c'est la voix d'Elie Semoun. Et vous disiez Didier, donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va passer ça à la fin de l'agenda. Bon, ça fait rire que moi. Donc, ok. Donc, c'était l'agenda de Mavrika présenté par Didier Thibault. Et puis on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Eiffel Lights. Eiffel Lights Memory, ouais. Le groupe Memories. Voilà. Si ça vous a plu, il passe en concert samedi 14 décembre. Pour Orléans, bien sûr, il va falloir prendre un petit peu sa voiture et puis aller sur Paris. C'est au club à Paris et donc à partir de 19h, 14 décembre. Mm-hmm. Voilà, il y aura trois groupes, il y aura Escape, Space in Bloom et Memory. D'accord, mais le 14 décembre, il y a aussi un autre concert avec le groupe 41 Rock. Bah oui. Donc il va falloir choisir, hein. Ça va être difficile. Bah oui. Nous on a choisi. Hein. Vous avez choisi. Donc vous n'allez pas voir le groupe Memory. Voilà. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel donc avec nos invités, le groupe 41 Rock qui nous vient donc du département 41. Très bien. Donc on a commencé à vous découvrir un peu. Le groupe existe depuis un an et demi. Vous avez déjà fait 5-6 concerts, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, mais bon, c'est ça. Louche. Il y en a d'autres qui sont prévus, dont le concert du 14 décembre. Donc on l'en rappellera d'ici la fin de l'émission. Alors le groupe est là au complet. Il y a Phil, Phil. j'ai perdu mes notes. Christophe. Ouais. Et le dernier, voilà, ça me revient pas. Stéphane, voilà. Ouais, parce que j'avais mes notes juste devant moi et puis tout a disparu. Voilà, on l'a dit. Vous avez interprété aussi deux morceaux en direct live et puis il nous reste encore des morceaux à découvrir de votre, pour l'instant, de votre discographie. Les morceaux enregistrés pour l'instant. En attendant d'avoir l'album. L'album qui va bientôt sortir, oui, puisque vous allez passer en studio. Mais on a déjà commencé, hein. On est bien avancé pour l'album. Hein. Voilà. On vous a posé plein de questions déjà. Vous faites que des reprises pour l'instant. Il y aura peut-être des compositions très bientôt. Et je voulais savoir quel est le plus gros délire artistique que vous ayez eu ou que vous aimeriez réaliser. Ah, c'est une très très bonne question. On ne s'attendait pas à cette question. Non, c'est une question un peu compliquée. Et surtout quand vous êtes quatre, vous n'avez pas forcément les mêmes souvenirs et pas les mêmes désirs non plus peut-être. Qu'on a eu, c'est Scar Tissue, là, peut-être. Ouais. Je pense, non. Ouais. Disons que Stéphane nous fait des trucs de fou sur chaque répète, donc on doit enchaîner derrière. Et ouais, c'est vrai que Scar Tissue, elle est plutôt pas mal. Ouais. C'est un bon morceau qu'on a fait ensemble. D'accord. Et des fois, on oublie de repartir parce qu'on est tellement content de ce qu'il fait, on l'écoute. On oublie qu'on n'est pas spectateur seulement. Oui, des fois, on arrête la batterie, la basse, le chant, on l'écoute. Et bon, on l'écoute et voilà, c'est parti. Il fait des solos pendant un petit moment. Ouais, non. Voilà. Il se fait plaisir, hein, il nous fait plaisir aussi. Stéphane. Ah, mais c'est parce que je suis bien entouré, c'est pour ça. Ah, mais après, on fait le tri hein, quand même. Hein. Ouais. Mais enfin, il n'y a pas grand chose à acheter. Hein. Ouais, tout est bon. Ok. Peut-être aussi un projet que vous aimeriez réaliser un jour, comme une tournée aux États-Unis, jouer avec un grand. Ouais. Oui. Alors voilà. On y a bien pensé, mais on s'est dit que ça allait pas être pour tout de suite. pas tout de suite, ouais. Non, déjà une petite scène, ce serait sympa. Par exemple, le caisson, on aimerait bien faire une première partie, je pense que. Je pense que ce serait possible, ouais. Voilà, vous êtes prêt pour ça déjà. On verra avec nos amis Red Daft. Ouais. Voilà. Donc ils organisent régulièrement des concerts et donc le prochain justement c'est avec Blues Factory et Chili Dogs. C'est demain. C'est demain. Voilà. Ouais. Très bien. Donc voilà pour déjà dans le futur, ça serait déjà un concert au caisson. Ah, ce serait bien. Ouais, voilà, ça serait bien, ça serait bien. Ouais, bien. Oui, la salle est bien, et puis il y a un peu de monde. Oui, oui, à chaque fois c'est plein. Ouais, ouais, voilà, ouais, faut le dire. Hein. Moi, à chaque fois que tu y vais là-bas, c'est plein. Donc, le caisson pour commencer, après peut-être des grandes scènes. Parce que bon, les petits bars c'est bien, mais après c'est bien aussi de jouer dans des grandes scènes, ça fait plaisir quoi. Quand il y a l'espace, quand vous pouvez bouger tout ça, ouais, c'est quand même bien. Ok, ouais. D'autres choses encore peut-être Non, c'est... Bon, on n'a pas été si loin, nous, encore. On prend les choses au fur et à mesure. Après, ça peut être aussi une collaboration avec un autre grand artiste. Par exemple, faire la première partie. Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un dont vous aimeriez faire la première partie? Bah, justement, il y a Sting qui passe à Chambord au mois de juillet, je crois. Voilà. S'il nous écoute, hein, on sait jamais. Bah, on est disponible. Hein. Voilà. On a gardé la date exprès. Il écoute, je crois. Par exemple, donc, bon, Sting. Ok, voilà. D'autres choses à rajouter? Non, c'est bon pour cette fois-ci. Bah, sinon, on aime bien faire des concerts dans les bars, c'est convivial. Hein, oui, c'est enfin, déjà... Évidemment, ouais, ouais, ouais, ouais, un concert bars, sur une scène... Ouais. Ouais. C'est différent, c'est deux choses différentes. Bah, disons qu'on est beaucoup plus proche du public, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. On ouais. entend les commentaires. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Et du coup, c'est... Enfin, personnellement... Oui, les concerts qu'on a faits avec la présence dans les bars, c'était très bien parce qu'il y avait la réaction du public. Moi, j'aime bien ça aussi. C'est direct. Après, quoi. Et vous les voyez, parce que des ouais, fois, sur les grandes scènes, avec ouais. les lights, on ne voit pas forcément les gens. On ne sait même pas, tiens, il y a du monde devant ou pas. Mmh. Effectivement. Donc, les bars, c'est aussi... C'est agréable. Ouais, c'est bonne ambiance. Climat, ouais, la proximité, c'est bien, la proximité. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, mais bon, les grandes scènes, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. C'est ça. Un peu comme dans l'esprit rock'n'roll, là, je trouvais que avec plusieurs groupes, ça, c'est... C'est bien, ça c'est bien. C'était une belle journée. Ouais. Vous êtes plutôt un groupe de live ou un groupe d'enregistrement des disques plus live. Concert. Ouais. Ouais, plus live. Avoir le public devant vous. Oui, c'est plaisant. Ce qu'on aime bien, c'est faire partager quoi notre. C'est plus agréable, ouais. Notre enthousiasme, enfin notre envie de jouer et tout ça. C'est un challenge, quoi. Essayer de faire participer les gens, les faire bouger, ce serait bien, c'est bien ça. Et puis montrer notre travail, c'est aussi important parce que vous avez répété tout ça et puis vous dites ouais c'est pas mal entre vous, mais après dit maintenant on va le présenter au public, on va voir un petit peu les retours qu'il peut y avoir. Est-ce que des fois les gens viennent vous voir à la fin des concerts? Ça arrive, oui. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé deux, trois fois. Au VNB, c'est arrivé. À Talsy aussi, il y a des gens qui sont venus nous voir. 3B ouais. aussi. Il y a même des gens qui nous demandaient si on n'avait pas un CD. On avait un support, mais on a encore rien. Ça va pas tarder, mais pour l'instant, on n'avait rien. Mmh. Puis on a des gens qui nous suivent aussi, qui sont là à chaque concert, qu'on voit à chaque concert. C'est sympa. Alors au début, vous voyez, c'était vos potes, la famille, tout ça. Après, vous commencez à voir des nouvelles têtes, et là, ça fait plaisir aussi de voir des gens que c'est ça, qui commencent à vous suivre. Ouais. Voilà, c'est des personnes, c'est ça qu'on dit. Mmh. C'est hors du cercle, du premier cercle, on va dire. Quoi. Ah ouais, non, c'est marrant, il y a des gens comme ça qui. D'accord, donc prochain concert, ils seront là, c'est sûr. Ben, on espère. Ah bon, on va voir, et ce sera la surprise. Et ce soir, je suppose qu'ils écoutent aussi, voilà. Donc on peut leur faire un petit coucou. Ouais. On peut leur dire bonjour à tous, à tout le monde, sans problème. Ouais. Ok, donc n'hésitez pas, vous qui allez au concert, allez voir les groupes à la fin des concerts. Quand ça vous plaît, vous allez les voir, dites ouais, c'est bien ce que vous faites. Déjà, c'est un super truc, hein, c'est super encourageant. Quand dire ce qu'ils aiment, quoi, quels sont les morceaux qu'ils ont aimés, pourquoi. Des fois, c'est des choses... Oui, au VNB, nous avait dit, c'est des morceaux qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Mmh. Voilà, mmh. C'était sympa quoi, d'entendre ça. À VNB, c'était grosse ambiance. Hein. Oui, ouais. Ouais, parce que c'est un endroit où les gens vont passer un petit moment. Alors souvent ils vont boire un coup et tout ça, et ils écoutent pas forcément les groupes. Nous on l'a déjà vu. Oui, des fois il y a les groupes qui jouent dans leur coin et puis les autres qui discutent entre eux quoi. Et là des fois par contre il y a des choses qui se passent, c'est que le groupe des fois arrive à attirer l'attention vraiment et puis les gens. Je crois qu'on avait réussi ça ce soir-là. Voilà. Ouais. Il faisait attention à ce qu'on faisait quoi, parce que c'est vrai j'ai vécu ça en écoutant d'autres groupes là-bas. C'est vrai souvent les groupes jouent, il y a du monde. Mais ils sont peut-être 5 ou 6 à écouter quoi. Les autres, c'est un moment de détente pour eux quoi. Enfin, c'est pas que la musique c'est pas un détente, mais ouais, mais ils l'entendent plus qu'ils l'écoutent. Voilà, alors que c'est mieux quand même d'avoir des gens qui sont là à fond, qui font attention à ce que vous jouez, qui s'intéressent aux morceaux et tout ça. Donc ça c'est un peu plus encourageant, moi je trouve aussi. Oh, bah oui. Et donc n'hésitez pas à aller voir les groupes, discuter un petit peu avec eux, leur dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Voilà, ça c'est important. Quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Le noir. Le noir, ça c'est la couleur du rock'n'roll. Bah oui, le noir. Ouais, et le blanc. Le blanc. Pourquoi pas, ouais, le blanc, peut-être, ouais. Ouais. Le noir et le blanc. Voilà, rock'n'roll, noir et blanc. Noir et blanc. Nickel. Ouais, ouais, ça convient à tout le monde. Ouais. Le noir et le blanc. Donc c'est bon. Peut-être les couleurs qu'on va retrouver dans vos prochaines affiches, dans vos prochains couvertures de CD. Peut-être, peut-être. Ouais. Ouais. Bah, notre logo il est pas noir et blanc, mais bon c'est pas grave. Ouais. Il est coloré. Il y a du ouais. blanc quand même. Il y a du blanc. Il y a un peu de blanc quand même. Ouais, il y a un peu de blanc quand même. Du violet, c'est du foncé. Ouais. Voilà, c'est un logo qui est apparu il n'y a pas très très longtemps. Au début, il y avait une guitare et après il y en a eu une deuxième qui est arrivée. C'est ça. Et c'est celui que j'ai repris pour l'affiche de l'émission de, voilà. de ce soir. Oui. C'est un de nos amis, qui nous l'a fait. Enfin, je ne sais pas si on peut citer. Ah oui, on peut y aller. Bah, c'est Adrien de chez Foucault Publicité à Saint-Germain. D'accord, donc c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Et... quelqu'un avec qui je travaille fréquemment. Et... ok. Et il nous fait des super trucs. Très bien, bah voilà, c'est important aussi d'avoir un logo, d'avoir comme ça les gens ils le voient, ils ont même plus besoin de lire ce qui est écrit dessus, ils vous reconnaissent quoi. Ouais, c'est important. Un logo un peu plus qui fasse un peu plus pro quoi. Donc bientôt les t-shirts, les autocollants, les décapsuleurs et tout ça. C'est vrai, ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous y pensez déjà. Les petites boules de Noël là pour bientôt. Là. Ah ouais, les boules de Noël aussi, c'est possible. Tiens, c'est un truc. Il va falloir y penser ça. On va faire un truc comme ça. On va vendre des boules de Noël à l'effigie des groupes qu'on reçoit. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Je rêve de vendre des boules. Ah ouais, ça Didier, il m'en parle depuis longtemps. C'est et là, je crois que c'est un rêve. C'est un rêve. Ouais. C'est un rêve et là, marchand de boules. Voilà. La classe. Donc on reste sur les deux couleurs, le blanc et le noir. Donc c'est les couleurs qui illustrent le mieux votre univers. Voilà. C'est ça. On écoute un autre morceau encore de vous parce qu'il nous en reste encore, si je me trompe pas, deux à écouter. Très bien. Bon, on va aller, on va continuer comme jusqu'à présent, dans l'ordre alphabétique. Donc le suivant, c'est Jumpin' Jack Flash. Voilà. Bon. Alors c'est un morceau de qui ça? Les Rolling Stones. Voilà. Moi, je connais ce morceau-là chanté par les Stingers. Parce que les Stingers, voilà, c'est des amoureux des Rolling Stones aussi. Et tout à l'heure, on parlait des Blues Factory. Il y a notre ami Benoît qui est passé tout à l'heure. C'était le batteur des Blues Factory qui est passé tout à l'heure. Oui, il est pas resté longtemps. Je sais qu'il répète et il passe dans le coin comme ça. Il est venu nous faire un petit coucou et puis il n'a pas pu rester très longtemps. Enfin, ça nous fait plaisir de savoir que les artistes qu'on diffuse dans l'émission s'intéressent aussi à cette émission. Et quand ils peuvent, ils viennent nous faire un petit coucou. Voilà. Donc on va continuer avec le morceau qui s'appelle Jumpin' Jack Flash. Et c'est une reprise donc des Rolling Stones par le groupe invité de cette émission numéro 433 qui est 41 Rock. Oh, êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika tous les vendredis soirs de 20h30 à 23h, voilà. Et ce soir, c'est l'édition numéro 433 et nous recevons le groupe présent ici dans les studios qui s'appelle les 41 Rock. À l'instant, on vient d'écouter justement le groupe qui était là la semaine dernière. Il s'agit du groupe Orpheum Black et le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Midnight. Voilà. Donc on revient dans les studios parce qu'on a encore quelques questions à poser à nos invités. Alors maintenant, on commence à vous connaître un petit peu, voilà. Donc vous nous avez parlé de vos projets, comment vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous existez, tout ça. On a écouté aussi pas mal de morceaux, donc on peut se faire une idée un petit peu de toute la musique que vous faites. Là, vous êtes à l'antenne, est-ce que vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs? Eh bien, continuez à venir nous voir sur tous nos concerts et continuez à nous soutenir et puis à apprécier la musique qu'on vous envoie. Voilà, ça c'est important de le dire. Autre chose à rajouter? Vous pouvez faire aussi des petits coucou aux gens que vous connaissez, hein, les gens qui vous aident, qui vous suivent, qui... Eh bien, on va faire des petits coucou à tous nos amis. Oui. La famille et les autres. Ouais, les copains qui viennent nous voir, ceux qui nous ont suivis depuis nos débuts, depuis nos 5-6 concerts, là, déjà, par exemple, qu'on retrouve, qu'on a revus. Merci à vous aussi de nous recevoir. Ah bah, ça nous fait vraiment plaisir de découvrir. Moi, je vous ai découvert. Didier, je crois qu'il découvre ce soir. Ouais. Donc voilà. Et puis on a vu qu'en peu de temps, vous avez quand même réussi à faire des trucs super bien repris. On a pu le constater aussi dans cette émission-là. Donc j'espère qu'on va donner envie aux gens d'aller vous voir prochainement en concert. Espérons. Et puis donc on va attendre la suite. Mmh. Donc vous avez de quoi tenir 2 heures pour l'instant. Mmh. Bientôt, ça va être des concerts très longs. Alors après, il va falloir supprimer certaines chansons pour en mettre d'autres. Bah, on mélangera. Voilà, ouais. On mélangera. On fera des en fonction de là où on est et d'autres qu'on nous demande, on pourra mélanger des morceaux. Voilà. Voilà, et puis après, il y aura aussi les compositions, peut-être bientôt, que vous viendrez nous présenter ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Ouais. Les futurs classiques. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Très bien. oui, donc... J'ai perdu le fil de ma conversation là. Oui, mais alors, ça. Ouais, voilà, donc d'autres choses à rajouter encore pour les auditeurs? Qui veut dire quelque chose? Non, mais bon, je pense qu'on a tout dit là. Voilà, ouais. Ouais. Moi, je pense que 2020, on viendra prospecter sur Orléans de toute manière. Oui, ouais. À nos futurs auditeurs. Et puis, on ne manquera pas de vous le... Quand on aura des dates sur Orléans, on vous le dira. Ouais, faudra nous le dire. Voilà. On va prospecter de toute façon là. On va tarder. Là pour l'instant, on va manager. Vers la région de Blois, tout ça, on vous connaît un petit peu, mais sur Orléans, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de. Non, on voudrait faire Orléans, on voudrait faire Tours. Un tour, on sait qu'il y a quelques personnes qui nous attendent là-bas. Donc on voudrait aller faire quelques petits concerts là-bas et puis. Un maximum de concerts, c'est vrai qu'on aime bien, se produire, on aime bien faire écouter notre son un petit peu à tout le monde. Très bien. Bon, on en avait parlé l'autre jour, mais c'est dans la rubrique un peu rêve, un peu fou, ce serait de faire une petite tournée l'été sur la côte atlantique ou méditerranéenne. C'est vrai qu'on en a parlé. Ah, c'est vrai, on avait dit, tiens, ce serait super, faire l'itinérant, mais bon. Ça s'organise. Ouais, une tournée, c'est pas ça, évident, il faut déjà... À l'avance, quoi. Ça s'improvise pas, hein, mais bon... Bah, faut surtout en parler à nos patrons. On va te faire un mot d'esprit. Ouais, je prends une année sabbatique, on va faire le tour les États-Unis, tout ça, donc on va faire un petit tour de ce côté-là. Et puis, donc c'est pas évident à demander ça au patron. Ouais, parce qu'il faut quand même se libérer, hein, si vous avez un autre travail à côté de ça. Ouais. Et après, au niveau de la famille... vous êtes soutenu ou vous avez un petit peu de mal des fois, parce que bon, les conjoints des fois c'est pas évident et il y a aussi des choses à faire. Ouais, toi tu fais ta musique et puis est-ce qu'il y a, il y a peut-être des choses plus importantes aussi à faire? Non, ça va, ça va, on est assez soutenu. Oui, ils viennent nous voir aussi. Oui. Ouais. Non, mais je pense qu'ils ont compris que c'était notre passion, quoi. Voilà, donc voilà, bah, ça reste. Voilà, c'est bien aussi, ils vous soutiennent quand même. Oui, ils viennent nous voir, bien sûr. C'est important, ça, voilà. Donc, il nous reste encore un petit morceau à passer ce soir. Donc, le dernier morceau, c'est Tonight, c'est ça? Tonight. Oui. Alors, un autre morceau du groupe belge Shifted. D'accord, bah, ça va nous donner envie d'aller le découvrir, ce groupe-là. Mmh. Vous l'avez connu comment Sur Internet. Sur Internet. On cherchait à droite, à gauche. Voilà. On cherchait des morceaux à reprendre. Puis, en naviguant, vous savez, t'es tombé là-dessus. Ouais. Ça nous a fait un groupe récent, ça. Oui, ils tournent déjà depuis un petit moment. Une dizaine d'années, je crois. Hein, une dizaine d'années, je pense aussi. Ouais. Ça vous dirait pas de faire une tournée avec eux? On va leur demander. Ça pourrait être ça. Ça se trouve, vous leur dites on fait une reprise de vos morceaux. Ouais. Et ça se trouve, ils vont vous inviter. Non, je dis ça parce que. Des fois, comme ça, en discutant, on arrive à. Avec un groupe d'Orléans, avec lequel je suis. Assez amis, ils avaient fait une reprise de Gotenner, de Sympa, et ils lui ont envoyé la chanson. Et voilà, on a fait ça, et lui, ça lui a plu, et il leur a proposé de faire un truc. Ça s'est pas fait, mais. Ouais. Donc c'est tout con. Cool, hein, il suffit de dire tiens, on fait une reprise de votre truc, les gars ils vont dire venez jouer en Belgique. D'accord. Et puis voilà, vous allez jouer en Belgique. Et inversement, peut-être qu'il pourrait venir sur Orléans, et puis c'est aussi l'occasion de les rencontrer. Après, essayer avec les Stones aussi, ça peut peut-être marcher. Avec les Stones. Ah oui, elles sont peut-être plus accessibles. Elles sont plus compréhensibles, ces gens-là. Très bien. Donc on écoute ce morceau qui s'appelle Tonight. C'est un morceau de qui ce... Ah oui, donc c'est Shifted. C'est pas facile à dire. C'est très bien. Il va s'entraîner. Je vais m'entraîner et puis la semaine prochaine, je le dirai comme il faut. Voilà, j'ai toute une semaine pour réviser. Donc on écoute ce morceau qui s'appelle Tonight. De. Donc le morceau Tonight, repris par le groupe 41 Rock. Voilà, les 41 Rock sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors ça s'est bien passé cette émission pour une première émission de radio. Super. Très bien, impeccable. Très bien. Super. Donc ce qu'on va dire aux auditeurs, c'est que là on va rendre l'antenne, ça va être la fin de l'émission. Nous on va rester ici, on va prendre des photos qu'on retrouvera sur le Facebook de l'émission Mavrika la semaine prochaine. Dans le courant de la semaine on va les publier, le temps de les reprendre un petit peu, les recadrer et tout ça. Et puis après donc il y aura aussi une vidéo qui sera partagée par montée déjà par notre ami Didier. Donc ouais. C'est bon, tu as réussi à capturer des bonnes images tout à l'heure pendant les lives. Ah bah comme d'habitude ouais. Voilà, donc on invite les gens à aller aussi découvrir la page YouTube de l'émission Mavrika. Ouais. Mavrika émission, je crois que c'est ça, ou Mavrika tout simple. Ouais, tu te mets sur YouTube, tu tapes Mavrika et on tombe sur nous. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Il faut pas chercher beaucoup, on arrive à nous trouver. On est seul sur Orléans, du moins, parce qu'après Mavrika, ça veut dire pour les gens qui le savent toujours pas, ça veut dire arc-en-ciel en Slovène. Donc ouais. Après, on peut tomber sur des sites slovènes. Quand je tape Mavrika sur YouTube. Ouais, tu tombes directement sur nous, ouais, donc ouais. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. Il y aura fait un black là, qui va arriver demain. La vidéo est prête. Elle est faite, la vidéo est prête aussi, parce qu'il nous avait interprété des morceaux en direct live. Alors, tu avais choisi quel morceau, toi? Le deuxième, d'accord. Legacy. Parce qu'il n'y en avait pas quatre. Il y en aurait eu quatre, tu aurais pris la quatrième. C'est possible. Ok. Et là, ce soir, sur les deux morceaux qui ont été interprétés par nos invités, tu as choisi laquelle? Bah, pour l'instant, je vais choisir. Je vais regarder en fonction de la roche. Je pense que je prendrai la deuxième. La deuxième. Ouais. A été mieux pour toi. Ouais. À quelle telle. Ok. Ouais. Voilà, donc on invite les gens à nous suivre aussi sur Facebook. Donc Mavrika, Albino, c'est une page personnelle. Mais vous contactez aussi Didier. Il faut pas, c'est pas que moi. Hein, c'est vraiment celle officielle de l'émission Mavrika. Après, il y a aussi la page l'agenda de Mavrika, la page agenda photo de concert, et aussi l'asso Mavrika. Voilà. Oui. Voilà, on vous a donné toutes les pages, tout ça c'est sur Facebook. Et puis après, vous pouvez nous écouter en podcast donc sur le blogspot. Donc le podcast il sera posté dans le courant de la semaine. Bah, si ça a fonctionné, ouais. Apparemment, Florent n'a pas pu enregistrer ce soir, il avait des petits soucis au niveau donc d'Internet. On prendra ton fichier. Et puis, Donc il n'y a pas de fichier ici. Tu l'as pas enregistré toi? Bah si, mais je suis comme Florent, je l'enregistre même de la même D'accord, façon. Bah sinon on essaiera de le récupérer ici à la radio, on essaiera de passer. Voilà, il n'y a pas de soucis. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission-là. On espère vous retrouver très bientôt en concert ou alors dans les studios. Quand vous avez envie de venir, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a passé un super bon moment avec vous. Nous aussi. J'espère que ça a été aussi pour vous. Pareil. Un grand plaisir. Ouais, super. Ouais. On était content de venir. Ouais. C'est vrai. Alors, les gens qui nous ont suivis sur Facebook, alors ce soir, ça a ramé. C'était même pas la peine. Donc, j'ai pas réussi. Ça fait une demi-heure que j'essaie de me déconnecter. Simplement, ça marche pas. Donc, excusez-nous pour ça. Mais bon, on fait quand même un petit coucou à notre ami Rennes qui vient nous faire un petit signal lumineux à la fin de cette émission. À notre ami Florent qui nous a aussi envoyé des petits messages en disant qu'il y avait des difficultés aussi avec Internet. Apparemment, il y a des petits problèmes sur Internet chez certaines personnes. Mais enfin, j'espère que ça s'est bien passé quand même au niveau de l'AFM et tout ça, et qu'il n'y a pas eu de soucis. Voilà. Donc, on va se quitter avec une dernière chanson. Peut-être vous voulez repasser une de vos chansons, non? Il y en a une que vous avez envie de réécouter, qu'on a déjà écoutée depuis le départ, non? Ouais. I wanna be your dog. D'accord, donc on se la cale juste pour la fin. Voilà. Et voilà. Et puis on vous remercie encore. Oui. Merci de nous avoir accueillis. C'était très sympa. Merci. Ouais. Hein. Voilà, merci on beaucoup. On envoie la note. On a le trésorier qui arrive. Très bientôt. Sans charge. On va dire les phrases magiques. Hein. La fin de chaque émission, on dit les phrases magiques. Oui. Donc, je te laisse dire la première. Everything is gonna be alright. Ah, je t'ai débarrassé de la phrase en anglais. Comme ça, Voilà, ça s'est fait. L'autre, c'est que le rock and roll saute avec vous. Voilà. Et puis la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Voilà. Donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pas les mêmes invités, par contre. Pas les mêmes invités. Non. Bah non, chaque semaine, il y a des invités différents. Non, et puis après, on sera en concert le lendemain, donc on pourra pas. Le 14 décembre, au bartender. Il faut se coucher de bonne heure. Ils sont un peu plus anciens que moi, donc c'est pour ça. Avec l'âge, on récupère de moins en moins. Ça balance. On récupère de moins en moins rapidement. Voilà. Donc la semaine prochaine, ça sera les Mockingbirds qui viendront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis on terminera l'année avec le 20 décembre avec le groupe La Jarry qui viendra comme tous les ans au mois de décembre chez nous. Donc c'est un peu nos Pères Noël. Et il y aura la présence de Monsieur Olivier Dominguez. D'accord, il viendra aussi. Donc voilà. Très bien. Voilà, cette émission numéro 433 se termine. J'espère que c'est un numéro qui va vous porter bonheur. Ouais, et donc, on se dit au revoir à la semaine prochaine. Donc, bonne soirée, bonne nuit, on va dire carrément. Hein. Bonne nuit, bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci. D'accord. Au revoir. Merci aux auditeurs. Au revoir. Allez, au revoir. moi. Disons surtout depuis qu'il est là que je ne peux plus te toucher. Pour être clair qu'on n'a pas baisé. C'est vrai qu'on a un rythme de fou, plus de repères et plus d'horaires. Parler de sexe est devenu tabou. Limite je rêve d'une garçonnière. Si seulement j'avais pu prédire, je crois que j'aurais dû me retenir. Je me sens un peu comme un ado, à le faire au-dessus du lavabo. Se trouve à deux au lit, que je vois l'avantage du répit. Je crois que tu vas m'enlacer. C'est pas facile le cul tourné. Je finis même par l'envier quand il est pendu à ton sein. Vous avez votre intimité. Tu accordes une place dans le bain. Si seulement j'avais pu prédire, je crois que j'aurais dû me retenir. Je me sens un peu comme un ado, à le faire planquer pour un porno. Le lâcher, j'aimerais bien aussi le porter. Cet enfant il ne voit que toi, laisse donc avec son papa. Si seulement j'avais pu prédire combien je craque pour ses sourires. J'ai pas hâte qu'il soit un ado. Gâteau. J'ai pas hâte qu'il soit un ado. Tellement je suis papa gâteau. Mise à mort du complot. Il restera des séquelles, des bouteilles à la mer. Au pied de la tour Eiffel flottera les amers. Bienvenue dans la fourrière, la démocratie totalitaire. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. se réveille comme un froid dans le dos. Le citoyen pyromane, fauteur de troubles, lanceur de pierres, court dans les rues de Paname, bienvenue dans la poudrière. Le citoyen bonnet d'âne se réfugie dans sa tanière, pour l'heure est à la tisane, bienvenue dans la poudrière. Into the sky.